The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Autumn. L'automne. To fill. Emplir. Party pooper. Le rabat-joie. Blues. Le cafard. To come back to life. Renaître. Grayness. La grisaille. Emotionless. Impassible. To deprive. Dépouiller. Chestnut. Le marron. Walnut. La noix. Hazelnut. La noisette. Picking. La cueillette. Mushroom. Le champignon. Now, a bit faster. Mushroom. Le champignon. Picking. La cueillette. Hazelnut. La noisette. Autumn. L'automne. To deprive. Dépouiller. Walnut. La noix. Autumn. L'automne. Grayness. La grisaille. Walnut. La noix. Grayness. La grisaille. Walnut. La noix. Mushroom. Le champignon. Autumn. L'automne. Mushroom. Le champignon. Autumn. L'automne. Walnut. La noix. To come back to life. Renaître. To fill. Emplir. Blues. Le cafard. Mushroom. Le champignon. To fill. Emplir. Grayness. La grisaille. Blues. Le cafard. Hazelnut. La noisette. Autumn. L'automne. To fill. Emplir. Now, use the words in context. Emplir. This song makes me so sad every time I hear it. Chaque fois que je l'écoute, cette chanson m'emplit de tristesse. Le rabat-joie. We were having a nice evening and then that party pooper started talking about the financial crisis. Nous passions une bonne soirée et ce rabat-joie a commencé à parler de la crise financière. Le cafard. She's been down in the dumps ever since her fiancé left her. Depuis que son fiancé l'a quittée, elle a le cafard. La cueillette. I'm going mushroom picking with my grandparents. Je vais à la cueillette aux champignons avec mes grands-parents. Impassible. He tried to look stone-faced when he came out of the court. À la sortie du tribunal, il essaya de se montrer impassible. Emplir. This song makes me so sad every time I hear it. Chaque fois que je l'écoute, cette chanson m'emplit de tristesse. La cueillette. I'm going mushroom picking with my grandparents. Je vais à la cueillette aux champignons avec mes grands-parents. Impassible. He tried to look stone-faced when he came out of the court. À la sortie du tribunal, il essaya de se montrer impassible.